Yes, oh boy, merveilleux que possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les femmes. Attaché à la croix, oh moi, attaché à la croix, oh moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh agneau, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, agneau, attaché à la croix pour moi. Tu renonces à la gloire céleste pour les temps rédempteurs. Attaché à la croix pour moi, Jésus-Christ attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix, oui, attaché à la croix, attaché à la croix, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité pour mon ancienne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies. Attaché à la croix pour moi, agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, agneau, attaché à la croix. Le salut accompli pour mes frères, les sauveurs finissent au ciel. Il revient, en propant mes frères. Mon bonheur sera éternel. Attaché à Par sa mort, il a payé le prix. Et tout est mis en ordre. Il garde nos cœurs près de lui. Il bénit nos vies. Il nous visite selon ses promesses. Comme il est écrit qu'après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché, mon serviteur juste verra une postérité. Nous voici. Amen. C'est la promesse manifestée. Nous sommes là. Dieu est fidèle. Et sa parole est infaillible. Nous voici. Seigneur, nous voici. Seigneur Jésus, nous voici. C'est à cause de toi. C'est suite à ton œuvre. Tu as accompli la promesse. Elle a produit une postérité. Un peuple de croyants. Une catégorie de croyants. Croyant en l'œuvre de Golgotha. Est totalement. Une œuvre totalement achevée. Un sacrifice complet. Les dons de Dieu. Pour la vie éternelle. Et ça ne faillira pas. Il n'était pas mort en vain. Attaché à la croix. La mort la plus honteuse. Ignominieuse. Humiliée complètement. Mais pour transférer sa gloire à nous. Pour que nous qui méritions la honte, nous bénéficions de sa gloire. Il a arraché notre honte pour nous cadonner sa gloire. Non pas par contrainte, mais par volonté. Non pas pour l'apparence, mais par amour parfait. Pour nous donner un salut parfait. Pour nous donner la joie parfaite. Pour nous donner les choses parfaites richesses. Pour répondre sur nous les bénédictions parfaites. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a le sceau du Dieu vivant. Il y a la puissance de la vie éternelle. Il y a la garantie de la réponse aux prières. Elle nous donne des bénédictions parfaites. Nous lisons une écriture ici. C'est sa parole infaillible. Hein. En Jean chapitre 5. C'est connu, verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Olende ezali na biso mpona ye ezali boye ete soko tokolomba eloko nini kati na mokano na ye ye akoyoka biso. Pesoko toyebi ete akoyoka biso wana ekolombaka biso ye, toyebi ete tozwi bilombeli yango bisili biso kolomba ye. Gloire au Seigneur. Amen. Je répète la lecture. Nous avons auprès de lui cette assurance. que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Molende oyo ezali na biso pona ye ezali boyeti. Soko toko lomba eloko nini kati na mokano na ye, ye akoyoka biso. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Même ce soir ici. Même cette semaine ici. Même ce mois ici. Même cette année ici. Nous avons demandé la délivrance contre la mort prématurée. Nous possédons la liberté contre la mort prématurée. Tu as demandé la guérison de ta maladie. Je dois te dire que tu la possèdes maintenant. Car par ce meurtre ici, toi la maladie, tu es de Dieu. Cette promesse est équilibrée. La promesse est merveilleuse. Cette promesse est puissante. Elle est agissante. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Pour déloger la maladie. Chasse ta peur, chasse ta douleur. Chasse l'incertitude, chasse les doutes. Aie l'assurance auprès de lui. Nous avons cette assurance. Que si tu as demandé quelque chose, conforme à sa volonté, il t'écoute. Il t'a écouté. Il t'écoute. Il t'écoutera encore. Même la nuit d'aujourd'hui, il t'écoutera. Et s'il y aura un lendemain, il t'écoutera. Sa parole demeure éternelle. Il est agissante chaque jour. Oh, croyons-nous ça? Que cette parole t'exhorte. À croire que Dieu t'écoute. Savoir que sa promesse est agissante. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Parce qu'elle te pénètre vraiment. Et sache que les choses que tu as demandées, tu les possèdes déjà. Et tu peux rendre grâce. C'est ce que Dieu t'a exaucé. Devant les tombeaux de Lazare. Tout ce que Jésus a fait. Amen. Pour changer l'atmosphère. Le climat de deuil. Pour produire la joie. Dans sa prière. Il a déverrouillé. Il a commencé par dire. Je te loue, Père. De ce que tu m'as exaucé. Amen. Nous pouvons prier de même. Nous pouvons prier de la même manière. Jean chapitre 11. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Toi aussi ôte la pierre. Tout ce qui t'empêche de croire que c'est pour toi. Tout ce qui t'alourdit, qui te fait hésiter. Et Dieu fait la promesse. Que Dieu t'a déjà donné la guérison. Toute barrière, tout obstacle. Ôte cela. Ils ôtèrent donc la pierre. Amen. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce Amen. De ce que tu m'as exaucé. Boye balongoli libanga na esika ezalaki mokufi kolala. Yesu anetoli miso na ye likolo mpe alobi ete. Tata, natondi ete oyoki ngai. Amen. Première des choses, je te rends grâce. Wana likambo ya liboso ete. Je te remercie. Natondi yo. Je te bénis toi le Dieu du progrès. Je bénis ton nom qui me donne progrès. Je bénis ton nom qui me donne de l'avancement. Je bénis ton nom qui me donne du progrès. Je bénis ton nom qui me donne du succès. Je bénis ton nom qui m'a toujours rassuré. Je bénis ton nom qui m'a toujours rassuré. Je bénis ton nom qui m'a toujours rassuré. Il n'y a pas de barrière pour ma prière. Je n'ai pas de dette envers les démons. Je n'ai pas de dette envers les païens. Je n'ai pas de dette envers le monde. Je n'ai pas de dette envers Satan. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Alors ma prière passe en faveur. Ma prière jouit d'un visa faveur. Elle passe directement au trône du Père. Je te rends grâce. Verset 42 m'a exaucé. Verset 42. Pour moi. Amen. Amen. Toi aussi. Il a fait ça pour te laisser un exemple. La manière de prier. Une manière de prier avec assurance. Pour moi. Et pour toi aussi. Je savais que tu m'exauces tout ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Jésus savait. Amen. Amen. Et Jean a dit, nous savons cela. Jésus savait. Je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Mais la lobby en gros pour la belle et jalie, pour télémela, pembeni, et bandimaete, aussi l'icotine d'angaï. Amen. C'est vrai. Et nous avons auprès de lui cette assurance. Pour dire ça, tu allais périnaïe, il est le même qui avait prié comme ça. Azaï, le même qui savait ceci. Azaï, le même qui savait ceci. Et il est le même dont nous parlons ici. Azaï, le même qui m'entend ici quand je dis. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous le savons, comme lui aussi le savait, par révélation, par conviction, prédéterminé, par révélation divine, le Père qui ne faillit pas, il a communiqué ça à ton cœur. Et maintenant tu peux le savoir. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons pareillement que nous pensons dans la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit la chose. Que Dieu bénisse ta foi de savoir qu'il t'écoute. Et que sa promesse est efficace. Sa promesse est pénétrante. Elle est merveilleuse. Elle est miraculeuse. Elle est créatrice. Elle est providente. Elle est solution complète. Louange à Jésus-Christ. Amen. Élevons-nous maintenant. Nous allons devoir les louer et rendre grâce de ce qui nous a exaucés ce soir. Je t'ai éloigné de toi, mon Dieu. Je t'ai éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé un vrai prophète. Et t'es terrassé par la main, à la dée, à main, tu y as compacté de mal. Comme ne pourrais-je te louer, tout ce que tu as fait, agneau, agneau. tu as toujours aimant, on s'écoute, pas que l'aime, mais comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait. Bah, tu es la même, tu as toujours été bon. On s'écoute, pas qu'elle ne m'aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été bon. C'est tout, pas qu'elle ne m'aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer pour tout ce que tu as fait. Pour ne pas être indifférent, je dois le faire. J'aurais tellement, c'est tout, pas qu'elle ne m'aime. Toi l'agneau, tu as toujours été mon secours, pas que la neige ne tombe. J'étais sans aucune consolation, tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer, tu m'as montré le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer, louer, louer pour tout ce que tu as fait. Ah, Maranatha, tu as toujours été mon secours, quoi que l'on aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'on aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer tout ce que tu as fait. Ah, alléluia, y a toujours été mon secours, pour que l'ennemi me combat. J'ai suivi les organisations des humains. Tu m'as montré le message de l'heure. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé ce grand mystère. Comment ne pourrais-je te louer, louer pour tout ce que tu as fait. Oh, alléluia, tu as toujours été mon secours, chaque fois qu'elle ne m'aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours, chaque fois qu'elle ne m'aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer pour ce que tu as fait. Alléluia, tu as toujours été mon secours, quoi qu'elle ne m'aime. Comment ne pourrais-je te louer, louer tout ce que tu as fait. Ah, alléluia, tu as toujours été mon secours, Nous Dieu pour tous ces bienfaits. Adore l'Éternel, le Dieu vivant. Adore le Créateur des cieux. Adore le rocher de ta vie. Le bouclier de ta foi. Le Dieu vivant. Le merveilleux. Le compatissant. Le miséricordieux. Le riche en beauté. Prions chacun. De lui. Ici à l'église, avant l'église, à la maison, au travail, partout, partout, où que j'aille, près de toi, Seigneur, que tel soit ton vœu, et que tel soit ta, ton plaisir, de vivre près de lui. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette belle soirée. Amen. Où tu as traité avec nos cœurs et tu as écouté nos prières. Tu as confirmé la promesse. Tu as manifesté ta puissance dans le surnaturel et dans les femmes. Ce qui prend de chaque âme. Et chaque âme qui a la foi. La puissance surnaturelle est dans la femme. Et pour ça, nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce. Pour l'éternité. Oh, tu es ici. Vous allez avoir. Je vous vachama. Tu es le même. Le Tout-Puissant. Le Créateur. Le Merveilleux. Nous t'aimons de tout cœur. Et l'amour dont tu nous as aimés. Et nous persévérerons dans ta volonté. La volonté parfaite. Nous refusons les souillures du monde. Nous refusons les souillures des églises. Des loges. De toutes les loges, Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.